Et bonsoir à toutes et à tous, il est 21h27, on commence pas du tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est la dernière émission de la saison, soyez indulgents s'il vous plaît. C'est Campus Hi-Fi, l'émission dub et sound system de Radio Campus Montpellier, on est là tous les 4e lundi de chaque mois. Et donc c'est la dernière émission de l'année, on a une sacrée équipe pour cette dernière émission. Je me tourne d'abord vers toi, notre nouvelle recrue Flo. Yes I. Comment vas-tu? Ça va. Bon, t'es venu avec un petit focus sur un artiste, un sound system Un bon sound system écossais. Un très bon sound system écossais. Voilà, les puristes auront peut-être deviné de qui il s'agit. On verra ça tout à l'heure. Tout en à face l'heure. De toi, il y a Romain. Salut Romain. Exactement, en face de Flo, à côté de Cédric. Ça va très bien, et toi Cédric? Bah écoute, ça a l'air, ouais. Bah tant mieux. Romain, tu vas nous faire un petit agenda avec Yanis, qui est en technique. Tu vas nous faire un petit agenda sur... Sur l'été, hein. Sur l'été, coup, hein. Parce que là, on n'est pas là pendant deux mois. Festival, exactement. Exactement. On verra ça tout à l'heure. Et il y en a des festivals dont on va parler tout à l'heure. Avec Yanis, justement. Salut Yanis, tu as branché ton micro. Salut, c'est lui, ouais. A priori, il est branché, si vous m'entendez. Et oui, il est pas très fort, mais on t'entend. Comment vas-tu, Yanis, qui nous fait la technique? Eh ben, ça va, super. Un petit peu les mains prises, mais ça fait toujours plaisir d'être ici avec vous. Ah, super, donc tu feras l'agenda avec Romain tout à l'heure. On a aussi Maxime qui est ici. Salut Maxime, plus connu sous le nom de Herba Vibration. Connu, c'est un grand mot. Au moins par nous déjà. Tu étais là lors de notre première émission au mois de septembre. Yes. Et tu es là pour la dernière, la boucle est bouclée. Tu viens nous parler de ton EP qui est sorti. Et en face de toi, il y a Clément de Travel Sound. Salut Clément. Salut les gars. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir ici. Bah pareil, c'est plaisir d'être reçu à Radio Campus. Ah, t'es venu avec des disques, j'espère que tu vas nous lâcher des bonnes... Il y aura quelques petites galettes surprises, ouais. Yes, super. Yes. Donc tu nous feras la petite session, et juste avant, on parlera de ton sound system, Travel Sound Hi-Fi, on parlera de l'émission que t'animes à Radio Sommière, et de tes projets, plaisir, voilà, plein d'autres choses. Ça, pourra rebondir sur les sujets qui seront débattus ce soir. Exactement, un grand débat. Tout voilà. Ça, ce sera d'ici 45 minutes. Et en attendant, on est en forme aussi aujourd'hui, parce qu'il y a 3 jours, c'était quand même la fête de la musique. Et la fête de la musique à Montpellier, c'est quand même un rassemblement de sound system, un petit peu, on va dire. C'est la seule fois où les sonos peuvent sortir comme ça dans tout le centre-ville. Dans la rue, s'exprimer, ouais, carrément. On a vu Imperial Mighty Sound devant l'ODB. Tu as passé quelques disques d'ailleurs sur leur sono, Clem. Ouais, exact. C'était une grosse session dans la rue. Là, c'était cette année, Julien, il avait sorti toute la sono. On s'est bien régalé et je pense qu'on a mis une bonne ambiance dans la rue. Il a fait chaud. Il a fait chaud, ouais, c'est pas la pluie, la petite averse qui elle a fait du bien d'ailleurs. Elle a fait du bien, exactement. Ouais, elle a fait du bien à tout le monde, je pense, dans la ville, dans Montpellier. Il y avait du monde, il y avait du monde sur les autres sonos aussi. Ouais, il y avait Salomon Heritage juste au-dessus. C'est vrai que j'ai fait un peu l'aller-retour entre les deux et je me suis régalé à cette fête de la musique. Il y avait Tanguy avec Wheel of Roots et il y avait Reggae Escape aussi. Il y avait du beau monde cette année encore à Montpellier, ouais, pour les sonos. Et il y avait le Ballet Bache Crew qui joue aussi sur la sono de Salomon Heritage. Alors, j'ai pas encore de confirmation, mais ils ont dit à un moment pendant leur session qu'il y avait de plus en plus de membres de leur crew qui habitaient dans le coin et qu'ils avaient rapatrié la sono sur Montpellier, donc on la verrait tourner plus souvent. C'est à confirmer, mais... Je pourrais même vous donner des petites infos à confirmer déjà avec le Festipop qui se déroulera début septembre. Et puis, ouais, par rapport à leur sono aussi... J'ai eu des infos. Ah, ça c'est pas mal. Vous pourrez en parler tout à l'heure. En attendant, je vous propose d'écouter une petite musique et pourquoi pas un morceau de Baile Bache. Du coup, on est dans le sujet avec Brainless, le morceau. Le fameux morceau. Exactement. Qui explique justement ce qu'est un sound system. Le morceau s'appelle Sound System et c'est avec l'eau. C'est quoi que vous faites là ? C'est quoi ça, du reggae? En fait, ce que vous faites, c'est rien d'autre que du karaoké. Elle est où la scène? C'est où les instruments? Et c'est quoi cette sono? Souvent c'est dit simplement, mais parfois méprisant, hostile. On me répète inlassablement, c'est quoi ton groupe, c'est quoi ton style? Pourtant c'est pas nouveau et ça concerne un paquet de gens présents dans les salles top niveau, jusque dans les forêts, les champs. Pas toujours évident d'expliquer, pourtant y'a 10 000 façons. Si tu savais ce qu'on entend, en fait vous passez juste du son. Ferme les yeux, ouvre les oreilles, tu verras c'est bien autre chose. Automne, hiver était pareil, souvent l'ambiance est bien trop chaude. En dehors du schéma classique, oublie tes codes et rituels. Oublie ce que t'as vu jusqu'ici, on te propose l'inhabituel. Y'en a qui mixe, canine qui chante, et faut que l'alchimie opère. Un genre à part entière, ouvert, oublie quelques repères. On joue sound system, j'voudrais que tu comprennes. Possible que ça te surprenne, mais j'aimerais que ça t'entraîne. Pour les curieux, les furieux, voilà juste un morceau pédagogique. Deux, trois mots sur les sélectas, les chanteurs et leur public. On joue sound system, j'voudrais que tu comprennes. Possible que ça te surprenne, mais j'aimerais que ça t'entraîne. Pour les curieux, les furieux, voilà juste un morceau pédagogique. Deux, trois mots sur les sélectas, les chanteurs et leur public. On entend l'erreur souvent, et ça fait partie du jeu. Derrière les platines pourtant, on les appelle pas DJ. Ils choisissent le son puissant qui suivra ton battement de cœur. Homme de basse toujours présent, le roi du son des sélecteurs. À l'affût des nouveautés, autoprod de qualité. Quelques remixes pour tapater, represse exclusivité. La mission n'est pas facile, faire le bon choix pour ambiancer. Une douceur ou un missile, faire du dance floor un succès. Tout à leur disposition, les sélecteurs sont équipés. T'as de machines, beaucoup de boutons, écouter, régler, s'appliquer. Les enceintes c'est fait maison, menuiserie, câblage, caisson. Je m'attarde pas sur le sujet sono, je pourrais en faire une chanson. On joue sound system, je voudrais que tu comprennes. Possible que ça te surprenne, mais j'aimerais que ça t'entraîne. Pour les curieux, les furieux, voilà juste un morceau pédagogique. Deux, trois mots sur les sélectas, les chanteurs et leur public. Au micro, ça suffit, pas les voyelles, les consonnes. On joue la musique, on la vit, dommage si tu la consommes. Et même si, parfois c'est bancal et tu le remarques, le MC a plusieurs cordes vocales à son arc. On raconte des histoires, des pleurs et des espoirs, du blanc, du noir, des paroles en mémoire, de la force pour y croire jusqu'à tellement tard. Une voix d'amateur, son rythme sans retard. Dans la baignoire, à l'appart, en peignoir, on écrit dans les cartes, dans les métros, les. Un art à l'écart, c'est mon rôle, c'est mon choix. Sortez les briquets, rangez les mouchoirs. Parfois pas de scène, on fait pas moins mais autrement. Pour raconter mes joies, mes peines ou introduire un son dément. Je préfère te voir sans ton smartphone, c'est du vivant tout simplement. Mélodica, flûte, saxophone, parfois y'a même des instruments. On joue sound system, je voudrais que tu comprennes. Possible que ça te surprenne, mais j'aimerais que ça t'entraîne. Pour les curieux, les furieux, voilà juste un morceau pédagogique. Deux, trois mots sur les sélectas, les chanteurs et leur public. Pas de portrait robot dans la foule, le public est mélangé. Certains écoutent, d'autres se défoulent. Bienvenue, personne n'est étranger. Des moments fous, des moments cool. On bouge, on saute, on s'accroupit. C'est pas star system, c'est son. Ne vient pas nous voir en mode groupie. L'auditeur qu'on apprécie, c'est celui qui a pas d'attente précise. Qui vient sans a priori, le mélomane qui aime la surprise. Parce qu'à chaque soirée c'est unique, jamais la même aventure. On se démène pour qu'elle déclic et qu'un jour t'adores cette culture. L'origine est populaire, sans compromis, pas radical. Qui pas dans sous-main en l'air, c'est juste un partage musical. Créé dans des caves, des bars, des salles ou des endroits plus spatiaux. On sent tous le même bonheur dans ces balles un peu spéciaux. On joue sound system, j'voudrais que tu comprennes. Possible que ça te surprenne, mais j'aimerais que ça t'entraîne. Pour les curieux, les furieux, voilà juste un morceau pédagogique. Deux, trois mots sur les sélectas, les chanteurs et leur public. On joue sound system, j'voudrais que tu comprennes. Possible que ça te surprenne, mais j'aimerais que ça t'entraîne. Pour les curieux, les furieux, voilà juste un morceau pédagogique. Deux, trois mots sur les sélectas, les chanteurs et leur public. Yes, c'était Brainless Sound System avec la voix de Lo et le morceau qui s'appelle tout simplement Sound System. Et ça date de 2015 sur l'album Human Machine de Brainless. Et on va passer à la suite de l'émission. Il y a eu une sortie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Monsieur Perry nous a sorti un album, c'est tout récent. Et justement, je vous propose de faire un petit focus sur cet album. Distresses, run, beggars, run, uses. Bon, alors qui ne connaît pas les Scratch Perry ici? Ça va que personne, personne, dis-moi, quand vous serez sorti hein. Immédiatement du studio. Bon, alors pour nos auditeurs, Lee Scratch Perry, c'est une légende qu'on ne présente même plus dans le reggae. Le reggae, le dub aussi, hein, la musique jamaïcaine en général. Bah, c'est un des aussi précurseurs dans le dub aussi, hein, il a beaucoup contribué à ça. J'allais en revenir. Lloyd Bradley, dans son livre culte Basse Culture, l'a surnommé d'ailleurs le Salvador Dali jamaïcain. Né en 1936 en Jamaïque, Jamaïque, Lee Scratch Perry, de son vrai nom Rainford Hughes Perry, est une véritable légende, figure emblématique du reggae et du dub. À la fois ingé son, chanteur, dubber ou autre, il produit un son si particulier, aboutissement d'un nombre incalculable d'heures passées en studio, notamment le sien, le Black Ark Studio, dans les années 70 en Jamaïque, avant sa disparition mystérieuse par les flammes dans de mystérieuses circonstances. Il est connu pour ses expérimentations, il serait l'un des premiers à avoir samplé un morceau pour le réutiliser dans un autre, ouvrant d'une certaine manière la voie au sampling dans le hip-hop. Il est aussi connu pour ses sonorités, il utilisait toujours un enregistreur 4 voix, 4 pistes, à l'époque où tous ses concurrents utilisaient des 8 pistes. Toujours précurseur, il est l'un des inventeurs du dub avec son album Blackboard Jungle, joué par son groupe The Upsetters. Il n'a pas hésité à enterrer un micro sous un palmier et à frapper celui-ci pour obtenir un son grave d'origine naturelle. Et des anecdotes sur lui, il y en a un paquet. C'est vrai. Ça, que... c'est clair. Oui. Sa notoriété et son sens de l'expérimentation l'ont amené à travailler avec des artistes tels que Bob Marley and the Wailers, bien sûr, mais encore Junior Mervin, Junior Biles, The Heptons, ou encore l'incroyable le groupe Case Congos et bien d'autres artistes. Il revient aujourd'hui avec un nouvel album qui s'appelle Rainford, enregistré entre la Jamaïque, le Brésil et le Royaume-Uni, fruit de 2 ans de collaboration avec le producteur Adrian Sherwood, le patron du label On You Sound, avec qui il travaille depuis les années 80. Lee Scratch Perry livre à travers cet album, appelé par son prénom de naissance, une sorte d'autobiographie musicale, notamment avec le dernier morceau qui est littéralement un dub autobiographique de Lee Scratch Perry. Sur cet album, on retrouve aussi des sons assez incroyables, comme un violoncelle gothique sur le morceau Let It Rain, ou encore une guitare psychédélique sur le morceau Cricket on the Moon, et aussi de la cuica, un instrument brésilien joué par la virtuose Simon Soul sur le morceau Macumba Rock, et c'est ce morceau qui m'a mis... ma petite claque en écoutant cet album, donc je vous propose de faire partager ça. Say hello. This is Mental Zodiac. Macumba. Voodoo Rock is a mental weather. Zodiac Rock. Thank you. De retour dans Campus Hi-Fi, l'émission Dub & Sound System de Radio Campus Montpellier. À l'instant, on vient d'écouter Macumba Rock, morceau extrait du dernier album de Lee Scratch Perry qui s'intitule Rainford. Est-ce que vous l'avez écouté cet album ? Non, personnellement. Non, pas du tout. J'ai vu qu'il était sorti et j'ai pas eu le temps de l'écouter. Ouais, ouais. Moi non plus. Bah écoutez, du coup, si je suis le seul à l'avoir écouté, moi j'en... Est-ce que ça change un peu des morceaux dont il nous a habitués ces 10 dernières années ? C'était un peu quand même sur un ton assez monocorde, je trouve. Non, là il est. Là, ce morceau il était pas mal. Moi je trouvais qu'il était. Je l'ai trouvé très intéressant cet album. Moins minimaliste peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis assez recherché, peut-être de la collaboration avec Monsieur Sherwood justement. Mais ouais, comme je disais, il y a le morceau, bah ce morceau là déjà où il y a de la cuica, donc ce petit instrument brésilien qui sort un peu nulle part, donc j'adore ça, c'est vrai que j'ai entendu ça, je dis oh, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que ça lui donne un et puis du violoncelle sur un morceau, de la guitare plus en mode rock, tu vois, comme on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre sur du dub. Il a écouté cet album, ouais, il a écouté. Et avec ce dernier titre qui s'appelle Autobiography of... je sais plus exactement, il y a Autobiography dedans justement, qui est un peu un dub où Lee Scratch Perry raconte sa vie, c'est intéressant. Voilà, l'album s'appelle Rainford et c'est sorti au début du mois, si je dis pas de bêtises. Et à l'instant, on a écouté Macumba Rock. Et sans transition, on va passer à la petite chronique de Flo qui vient nous présenter un sound system écossais. Ring the alarm, ouais, carrément un petit sound system écossais. Petit. Donc tout d'abord, on va parler de la programmation de la soirée sound system du Zion le jeudi soir. Parce que oui, ils sont de retour. Ashkabad avec leur sono au Zion, ils sont là. Et ils invitent pas des moindres, les Mongo Hi-Fi avec Charlie P et El Fata. Allez. Rien que ça. Du coup, t'as dit Ashkabad, mais bon, c'est un peu pareil. Ah oui, c'est les pardon. Copains, c'est After All. C'est After All, exactement. Mais bon, ils sont en copinage, les deux crews. Ils sont en copinage, carrément, c'est clair. Et du coup, pour ne pas perdre de temps et pour vous mettre dans l'ambiance, on va s'écouter Charlie P sur un rythme des Mongo Hi-Fi, Nice It Up. Nice it up, say if you got a spliff in a ya and light it up. Say if you got a drink in a ya and rise it up. Say in the time me coming in a the dance me nice it up. Nice it up, nice it up, nice it up. You were standing in a the queue and you can hear the bass pumping. Vibration from the speakers and the people them are jumping. You want to reach the dance, but the bouncer touchy touchy. Looking at me in the kind of way like he want to come rush me. Me reach the door, him taking me ID, pack me down and rush me. me. Him judge me properly because this idiot don't go and trust me. Him let me through. You know me have me herbs that's properly. Me real ganja, baby, no big man like that can stop me. Me reach the dance, jump and bronze. Man out to England, there in France. Test me this night, got no chance. Me lyrics are there and I'm well advanced, me a mash it, jump on the rhythm. Voilà, je pense que ça vous a fait une bonne première approche de ce que va vous donner cette soirée Sound System le jeudi 18 juillet au Zion Garden. Donc maintenant, je vais vous présenter le crew Mongo Zi-Fi du coup. Après vous avoir fait écouter une ganja tune qu'ils ont sorti avec du coup l'homme qui sera au Zion Garden, El Fata. La track s'appelle Mary Jane. I plead them not guilty of all the charges made against them. You know why? Why? Mr. President in Blubber, you judges and you lawyers, you smoker. Even the policemen that keep harassing each and every time when them catch you in the corner, them smokers. So leave Mary Jane alone. Leave Mary Jane alone. Leave Mary Jane alone. Cigarette smoking is dangerous thoughts. It's written on the packet. Cigarette smoking will kill you. But the men don't give no them. Sister all them do them fabricated, publicized and advertised. They distribute it cause the government have them to legalize it. But Mary Jane, the natural innocent lady, she don't trouble nobody, no no she no kill nobody. Et voilà, donc Mongo Zi-Fi, un sound system écossais, natif de Glasgow exactement. Ils ont leur propre label nommé Scotch Bonnet, sur lequel ils sortent la plupart de leurs tracks. Ils possèdent 12 coupes, autant vous dire que c'est un sound à voir. Avant de passer à la dernière partie, on va quand même s'écouter une track que personnellement j'adore, avec non des moindres l'homme que l'on appelle Kenny Knox, la track Gimme Gimme. Give me the fire there. Give me the fire, make me clean up my people. Give me the fire, figure burn away evil. Give me the fire, yes, everyone's equal. Give me the fire there. Give me the power there. Give me the power, figure open them eyes up. Give me the power, figure open them mind up. Give me the strength, all fi rise all the youths up. In a dissermission, we no need big pop. From the cup of goodness, we go sup. Love it at the essence that them can't corrupt. From your lips, some may say your own will broke. You should be rising for the better day. Through the eyes, they can't stop we know. Can't stop the Rastaman flow. Through the eyes, they can't stop we know. Can't stop the Rastaman flow. Forward ever and this back we never. Music we play, we make the people come together. Stick to the king like a stamp on a letter. The bigger heads I make the people them feel pressure. Things are get worse and them now get better. Burn up Babylon with me scotch funny pepper. One Mr. Kenny are the real go-getter. Red, gold and green, yes it must stand forever. Vous pouvez retrouver donc chez Mongo Zi-Fi de tous les styles de production, allant du robadob au dub plus énergique, même au dubstep comme on en parlait il y a 5 minutes. Et d'ailleurs, si vous vous demandez ce que ça veut dire Mongo Zi-Fi, j'ai la réponse. C'est un mot Mongo qui vient du nom d'un saint de Glasgow qui est connu pour propager un message positif. Ce qui rentre dans leur démarche de propager un message conscient. Donc je trouve cette signification quand même approprié et sensé quoi. C'est une bonne chose. Et voilà, donc pour cette petite présentation de Mongo Zi-Fi, j'espère que je vous aurai plus plus quitté incité à aller les voir au Zion Garden exactement. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une sono à aller voir vraiment ils partagent une bonne vibration avec le public et ouais leur session c'est vraiment éclectique, ça passe du roots avec du digital, du dub, du dubstep. Et ils sont souvent accompagnés avec des grands MC, des grands chanteurs. Donc, ils savent s'entourer. Voilà, carrément. Et ce n'est pas les occasions qui manqueront, on le verra avec l'agenda tout à l'heure. Mais ils vont beaucoup tourner cet été sur le continent français. Ouais, ils ont sorti pas mal de productions récemment. Donc, raison de plus pour aller écouter. Pour aller faire un tour. Voilà, merci Clem pour les précisions du coup. Avec et on va se quitter sur une track qui est quand même une des plus connues de chez eux. C'est la track Divorce à l'italienne qui est sortie sur l'album Sound System Champion avec Marina P. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non C'était Mungo's Hi-Fi à l'instant avec le morceau Divorce à l'italienne et la fabuleuse voix de Marine Appy. Et on est toujours dans Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. On va continuer avec la suite de notre émission. On a un invité ce soir, il a sorti un nouvel EP et il va nous en parler. Et cet invité, c'est Herba Vibration, Maxime de ton prénom. Membre... Ça, ça peut pas le dire, ça. Ah, Herba Vibration, non, membre du South Attack Sound System, si on peut le dire, je pense. Yes. Bah, c'est un plaisir d'être là, les gars. Merci pour l'invitation. Bah, écoute, merci d'être venu nous présenter un peu ton, ton petit EP qui est sorti. Alors, c'était quand la date de sortie? C'était le 5 juin. Ah, donc il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, ouais, quelque chose comme ça. Et tout frais. Tout. EP qui s'appelle Neo World, que tu as sorti sur le label qui est monté par South Attack. Et, c'est ça, Sub Squad avec les Salvatche et South Attack, du coup. Cet EP Neo World, tu nous présentes 4 titres dedans, dont le morceau qu'on entend en fond ici. C'est plutôt un album instrumental avec un côté un peu. Très peu de voix, c'est vrai. Très peu de voix, si ce n'est les samples qu'on entend derrière, ouais. Et avec un petit côté mystique cet album, bah d'abord, comment est-ce que tu l'as créé cet album? Comment est-ce que tu l'as pensé? Ben, je l'ai pensé, en fait j'ai créé cet album en apprenant Ableton en même temps. Car avant j'étais sur FL Studio, je pense que tout le monde connaît. Fruity Loops. Fruity ouais. Loops. Et j'ai découvert Ableton juste après, j'avais fait un EP que j'ai annulé, parce qu'il ne représentait pas ce que je voulais faire. Et je voulais tout recommencer avec ce logiciel et ça a créé un nouveau départ. C'est ça, d'où Neo World, un nouveau monde, une nouvelle sonorité, nouveau okay. VST. Total. Ok, donc t'as fait ça avec Ableton. Ouais, qu'est-ce qui t'a inspiré à cet album? Il y a des artistes, des influences. Du coup, il y a ce côté un peu mystique quand même sur les 4 titres de l'album. Quand même beaucoup d'influences, je sais pas si on les ressent vraiment dans l'EP, mais ce qui m'a le plus inspiré, je pense, c'est Footprint Sound System. Ce côté très vraiment beaucoup. Mystique, ethnique, et ce côté un peu violent, parce que moi je dirais que c'est un peu un EP calme violent entre les deux. Ouais, ouais, il passe très vite sur du gros stepper. La sonorité à la Gorgon, je sais pas, vous connaissez Gorgon Sound. Gorgon, bien sûr, UK. Ishan Sound aussi, tous les... Très rough, ouais, très... C'est ça. Avec, ouais, ce petit côté mystique, ethno qui viendrait de Footprint. Après, qu'on... je pourrais en citer plein, mais ça ferait trop. Ah, mais vas-y, on t'écoute. Hein. C'est bien aussi, ouais, de connaître les influences de chaque artiste aussi. Ça peut être peut-être pas non plus que dans la musique dub aussi, c'est peut-être d'autres choses. Bah, il y a peut-être un... Je dirais pas qu'il y a un côté rock, parce qu'à la base, moi, je viens du rock, quand même. Ah, voilà. Voilà. Mais donc, c'est plutôt dans la structure la qu'il y a un côté rock, genre couplet, refrain, assez basique, peut-être pour celui-là, mais... Ouais, mais c'est vraiment un style qui se marie très bien avec, bien avec tous les autres, donc forcément, chacun peut apporter son petit truc avec son influence aussi, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ça donne toujours des bons résultats. Et... Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Ouais, mais je voulais savoir, du coup, parce que tu as découvert Ableton Live en même temps, bon, c'est un logiciel qui est assez intuitif, mais ça a été aussi un peu, comment on appelle ça, se mettre une contrainte. Est-ce que c'était voulu aussi de te dire, vas-y, je repars sur un truc nouveau pour aussi, c'était quoi que tu cherchais la différence avec Fruity Loops, qui aussi, il y a des gars qui en composent toujours avec Fruity Loops? Bah, c'était plutôt le côté live aussi qui m'intéressait. Pour pouvoir jouer. Du live avant, je posais mes sons, mais c'était que en mix, en set. Et là, je voulais vraiment créer quelque chose après, vraiment faire de la scène. Et ça commence doucement. Pour l'instant, j'ai pas encore assez de morceaux pour faire un live complet, on va dire. Mais tu l'as construit pour pouvoir le jouer après en multipiste derrière. Ça. Et ouais, par rapport au visuel de cet album, qui est-ce qui nous a fait cette pochette, une espèce de... Bah, c'est pas facile à expliquer, on est à la radio, mais... Petite rosace. Une rosace, ouais. Ouais, une fractale un peu, ouais. Bah, je l'ai fait moi-même, ça. J'avais demandé à quelqu'un de faire un... Au début, j'étais parti sur un délire plus de plumes, sur une légèreté. ce qui n'était pas du tout en fait à l'image de l'EP. Alors je me suis dit, ben, je vais tout refaire, il me restait une semaine pour faire tout ça. J'ai fait ça en Guadeloupe parce que j'étais parti et j'ai dû faire ça en 2-2. Enfin en 2-2. J'ai quand même bien travaillé le truc, hein. On va le dire, ça se voit. Pas plus ou moins. Donc aussi infographiste un peu, alors en ouais. plus de. Ouais, j'ai travaillé doucement, mais. Mais sûrement. Et ouais, donc t'as fait une petite release party aussi en Guadeloupe. C'est ça. Avec ouais, j'ai eu la chance d'avoir une date là-bas. Merci. Big up à Gemma qui m'a trouvé ce plan. Ouais, au Zion, cool. Zion Park. Zion Park, c'est ça. C'est si jamais vous allez en Guadeloupe, Zion Park, c'est le spot pour pouvoir. C'est où? C'est Basse-Terre ou C'est Haute-Terre. Haute-Terre. C'est vers. Ça s'appelle le. À côté du Gosier. Je ouais, le jamais. Gosier. À côté de la plage, c'est à côté de la plage, vous pouvez tout faire en même temps, c'est cool. Un régal. La bonne adresse alors. En plus, c'est des bons gars, ils vous offrent des petites crevettes, des petits crabes. Ah, on est bien reçus en tant qu'artiste. C'est le début de l'été, hein, du coup, on se donne envie pour les vacances. Là. Forcément. Et oui, surtout qu'on a un petit agenda après avec le tour des festivals du coin. Exactement. Et d'ailleurs... On n'ira pas jusqu'en Guadeloupe, mais il y a de quoi faire un peu moins loin déjà. Et ouais, bah, en tout cas, cet EP, donc, il est prévu pour jouer en live. Il y a. T'as des dates ou pas? Non, peut-être pas encore. Non, là je suis encore en fait en création parce que comme je disais, il y a peut-être pas assez de morceaux. Je suis déjà sur mon deuxième EP en fait. D'accord. Okay. Il y aura cette fois-ci plus de morceaux. Et pour le dire, peut-être qu'il sortira dans 4-5 mois, tout comme ça. Et, chez et à partir de là, toujours. Subsquad sûrement, ouais. Et d'ici là, après cet EP, ça sera peut-être le lancement de quelque chose. Quelque chose de plus conséquent un peu. C'est ça. Et toujours en fait, si tu peux nous expliquer un peu Subsquad ce que c'est avec les South Attack et les Salvage, yes. Un peu le projet que vous avez monté ensemble. Ben bon, alors respirer pour la troisième fois parce qu'on avait dû l'occasion de le dire avec les South Attack et Salvage aussi. Ouais, on a dû le une petite piqueur de rappel. Ouais, c'est pas plus mal. C'est le label sur lequel ton EP vient de sortir, c'est de l'autoproduction. Ouais. C'est bien de le rappeler quand même que aujourd'hui quand même faut quand même se bouger pour faire les choses et des fois c'est mieux de le faire par soi-même quoi. Sûr. Ben tout ça vient d'une rencontre avec les Salvage qui est un sous-système de Montpellier. Que vous connaissez sûrement. Qu'on a déjà reçu dans la deuxième émission, je crois, ou troisième peut-être. Avec notre sound system South Attack. Et on était dans les mêmes vibes, on voulait faire la même chose. Partager de la musique avec les gens en fait. Faire la fête aussi, organiser des soirées, tout ça. Et promouvoir aussi les artistes d'ici. Qui n'ont peut-être pas la chance aussi de trouver des labels. Ça peut être un premier tremplin pour après se lancer aussi. Voilà, ça peut être l'occasion d'avoir créé ce label pour les artistes du coin. C'est ça. C'est genre les produire peut-être en studio. Ça serait le projet. Et sur scène plus tard. Yes. Dès que la structure sera vraiment officielle, ce qui n'est pas le cas encore. Parce qu'il y a déjà eu quelques sorties quand même sur Subsquad. Ouais, on a eu le. Il n'y a pas longtemps, là, le mois dernier, c'était. C'était Digimon. Digimon, ouais. Qui nous faisait un EP de 6 titres. Ah, puis vous avez fait une compilation aussi. Ça, c'était pour le lancement l'année dernière. Qui avait été nominé aux Victoires du Reggae. Ça, c'était assez Victoires du Reggae, alors qu'on ne savait même pas qu'il était aux Victoires du Reggae. Ça, voilà. C'était magnifique. La petite surprise. Et on a gagné. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais tourner les fake news, ça va pas. Ouais, et après, il y a le dernier morceau aussi de cet album où il y a un featuring du coup avec Guardians Dub. C'est ça. C'est du coup, c'est l'ingé en fait de notre sound system avec qui on commence à composer quelques morceaux maintenant. Et on a le projet aussi de faire un EP spécial Guadeloupe. Parce que je suis parti en Guadeloupe avec lui. Vous avez été inspiré là-bas. C'est ça, on a enregistré un groupe qui s'appelle Guada Bingi. Et c'est un quatuor de voix. Et du coup, ils nous ont offert leur voix pour nos instrus. Et, voilà, dans quelques temps, à voir. Je dis pas la date, parce qu'on s'y tiendra pas. pas trop s'engager. Voilà, c'est ça. Prendre le temps qu'il faut. Non, mais écoute, ce sera l'occasion de revenir du coup dans cette émission. Quand vous voulez. Ok, bon, en tout cas, ouais, je sais pas si t'as plus d'infos à rajouter sur cet album. Ben, sur cet EP, peut-être pas. Mais écoutez-le. Bah ouais. Bah ouais, je vous propose d'en écouter un petit extrait. Du coup, le morceau avec Guardians Dub, yes. On vient de parler, il s'appelle Unicorn. Unicorn, Uni- c'est à la base. Unicorn, pardon. C'est un jeu de mots, oui. Il a failli s'appeler comme ça. C'est mais... le corbeau unique, c'est ça, non? Unicorn. Ouais, je m'en souviens même pas. Ça voulait dire quelque chose à la base. Allez, bah, je vous propose qu'on s'écoute ce morceau et on revient de suite. C'était Herba Vibration et Guardians Dub avec le morceau Unicorn. Et ouais, il y a un truc qu'on n'a pas précisé aussi, c'est la personne qui a fait le mixage et le mastering de ton album. Une personne qu'on connaît. Qu'on yes, c'est ça, qui est passé en plus il n'y a pas longtemps. C'est ça qui est passé cette année dans l'émission. Peut-être un peu plus, mais ouais, il y a 3 mois. Voilà, Obedub qui m'a fait le mix. On lui fait un gros big up et un gros bisou. Et il revient dans l'émission quand il veut. Bon, on va passer à la suite de l'émission. Merci Maxime en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps. Yes. Et voilà, allez écouter son EP Neo World du coup qu'on retrouve sur SoundCloud, sur le site de Subsquad Prod. Vous retrouvez aussi Herba Vibration sur Facebook et peut-être d'autres réseaux. Bah, SoundCloud aussi et son teuf, mais ça, c'est un peu plus quelque chose. Allez, bah, on va continuer cette émission. On écoute toujours, enfin, vous êtes toujours sur Campus Sci-Fi dans Radio Campus Montpellier et on va passer à l'agenda de l'été. What's the time you have the dread? 12 o'clock, Nati. Blues. Exactement Cédric, l'agenda de cet été, un été qui a déjà bien commencé puisqu'il y a 2 semaines il y avait déjà le Southern qui se tenait à côté de Nîmes au Mas des Lozières, la fête de la musique ce week-end, et pour continuer dans la lancée on peut se rendre le week-end prochain, à savoir le 28 et 29 juin à Vitrolles, donc ça fait un petit peu loin mais c'est pour quand même le Dubstation Festival qui accueille beaucoup d'artistes, à savoir par exemple Abba Shanti High, King Shiloh avec African Simba. On retrouvera aussi Blackboard Jungle, Massilia Hi-Fi avec Jumping Lion Sound System, mais aussi Aeration Stepa et aussi Vibronix pour ne citer que. On pourra également voir Carabas Sound System, dont on avait parlé à l'occasion de leur sortie, la sortie d'un de leurs IP, enfin de leur IP Cosmic Dub, qui est sorti il y a à peu près 6 mois. Et tout ça pour 18€ le pass un jour, 30€ le pass de 3 jours en pré-vente. De 2 jours, avec camping gratuit sur place. Pour la suite, ce sera le 12 juillet, le deuxième bal jamaïcain sur la sono des Welders Hi-Fi où joueront Conquering Sound ainsi que Jawork Promotion avec Léo Dika et Rosa Shanti. Tout ça, ce sera dans un événement qui se passera à la cour d'Aquaba dans le Vaucluse. Oh oui. Et à oui. La coopérative Aquaba, ouais, coopérative culturelle. Exactement. Une salle assez sympa qui était menacée à un moment, Voilà, il y aura de quoi passer une bonne soirée, tout ça dans une ambiance à la jamaïcaine, aussi bien pour la musique que pour la nourriture qui sera proposée. Et tout ça sera entre 18h et 1h du mat pour seulement 5€. Yanis, je crois bien que tu as quelques petits trucs à nous rajouter aussi. Ouais, bien sûr, alors je vais commencer par vous parler du coup du Dub Camp Festival qui aura lieu du 11 au 14 juillet en Loire-Atlantique. Comme d'habitude, hein, gros line-up comme chaque année. 4 jours de dub. Effectivement, 4 jours et 4 jours de gros line-up. Parmi tous les sound systems qu'on pourra retrouver, bah, il y aura King Shiloh, BF, Mungos Hi-Fi ou encore Legal Shot. Côté prix, ça sera 34€ par soir, sinon 84 pour 3 jours ou 92 pour les 4 jours. Exactement, du jeudi au samedi. Tout à fait, ouais. Donc le 18, 19 et 20 juillet à Bagnols-sur-Cèze, la 9e édition du Zion Garden, donc seront présents Mahom, Mongos Hi-Fi, After All et bien d'autres. 10€ par soir, il faudra compter 1€ pour le camping, donc c'est honnête. C'est plutôt honnête et c'est une ambiance incroyablement familiale, le Zion. C'est, c'est à recommander. C'est une référence un peu dans les festivals, les rassemblements de reggae. Dans les festivals du coin, franchement, c'est. Puis le prix pour une. C'est vraiment abordable, ouais. Ouais, clairement, pour un. En plus, il y a des très bons festival. Afters là-bas. Ouais, il y a des bons afters, il y a la rivière à côté. Il y a des bonnes soirées, il y a des bonnes journées. Et cette année, je crois que j'ai vu, il y a le frère de Ben Harper aussi qui joue en session acoustique guitare. Ah ouais. Zion. Au Zion Garden, ouais. Okay. Je sais plus au bord de la rivière. Non, sur la programmation officielle, et il y a Moka Lamity aussi. Si oui, carrément ouais. Moka Lamity, c'est exact. Et puis voilà, c'est moment. Après, il y a un autre festival derrière qui se passe, non Yanis? ouais, tout à fait, donc le 25, 26 et 27 juillet, donc dans la continuité du Zion, on pourra y retrouver le Bagnol Reggae Festival, donc toujours sur Bagnol, avec Tikenja Fakoli, Ikamaus, Alborosi, Ashkabad ou encore Mongos Hi-Fi. Blackboard Jungle. Avec leur sono. Ouais. Alors combien ils vont ramener de scoop cette année, on sait pas. Ah, ça part pas sur du 24. La surprise. Ça sera la surprise. Donc faudra compter 37€ par soir ou 102€ pour les 3 jours avec le camping. Donc ensuite je vais vous parler du Summer Vibration le 25, 26 et 27 juillet. Donc le même week-end, non, sauf que là ça se passera en Alsace avec une scène sound system avec Legal Shot qui accueillera Bisou, Abashanti, Channel One et bien d'autres. Côté de la scène, il y aura que des grosses têtes d'affiche comme Sensimila, Irsistin et bien d'autres encore. Donc le festival, donc pour les 3 jours plus le camping, il faudra compter 80€. Donc je te laisse reprendre la suite. Ouais, parce que ça ne s'arrête pas là et on continue avec le 2, 3 et 4 août. Si vous voulez aller en Nouvelle-Aquitaine pour faire un petit tour au Reggae Sonska, bah, ça peut quand même être une très bonne idée parce qu'on pourra y voir Alpha Blondie, Ziggy Marley, Tiken Jaffacoli, Dubbing ou encore Patrice, Mad Professor. Et on n'a pas assez de temps dans cette émission pour faire la liste complète de tous les groupes de tous ces festivals. Donc je vous conseille d'aller regarder parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et pour le Sunska, du coup, ce sera 40€ par soir, sinon 95€ pour les 3 soirs. Et pour finir, dans le Jura, le 9, 10 et 11 août, on aura le No Logo qui se déroulera. On pourra retrouver encore une fois plein d'artistes, à compter aussi Tetrahydroca et Brainless qui joueront leur album sorti ensemble cette année. Mexican Stepper sera aussi là avec également Sue McDub qui jouera avec Artix. Il y aura aussi Abashanti, Weeding Dub, Azkaban et toute une bonne troupe encore pour faire la fête dans le Jura. Pour 60€ le passe 3 jours et 68€ avec le camping. Et maintenant, comme on en parlait tout à l'heure avec Maxime, il y a aussi le Rototom Sunsplash aussi, évidemment. On va l'oublier celui-là. un des gros festivals espagnols qui se tiendra du 16 au 22 août. On peut aussi rapidement parler du Festipop, même si ce sera plus à la rentrée au mois de septembre. Ouais. Mais on n'aura pas d'émission d'ici là, quoique le Festipop cette année tombe. C'est le 6 et 7 septembre. Et tout à l'heure, Flo, tu me parlais d'un autre festival qui va... À l'Alpine Dub. Exactement. En fin août, où on pourra retrouver, pour le coup, c'est des sonos qui changent tous les soirs, et ça, c'est fun. Fun parce qu'on a le temps au moins de découvrir les sonos, d'apprécier les sélections. Ouais, yes. Et de faire tourner. Après, pour ceux qui nous écoutent, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Dub Calendar. Yes. Et c'est un groupe public, voilà, où vous pouvez retrouver plein de dates de toutes les sessions Sound System et des festivals du coin. Puis, de toute façon, je pense que il y en aura de partout cet été. Il y a de quoi trouver, là c'est une petite liste, mais il en reste encore beaucoup. Hein. Alors l'Alpine Dub, ce sera les 23, 24 et 25. Ah non, c'était en 2018, pour moi. ce sera fin août. Ça reste dans ces eaux-là, mi-août, un truc comme ça, ouais. Il me semble. Super. Avec la chaleur et. Cette année, c'est vraiment la programmation du Bagnol Riga Festival, là, le samedi soir. Il y a tellement de Jamaïcains, des papiers, on va dire des légendes plutôt du reggae. Du Jalloyd, je sais plus, j'ai même pas toute la liste, mais j'ai vu une fois la programmation et je me suis dit là j'y suis. Voilà, c'est la nouvelle version un petit peu du Garance qu'il y avait il y a quelques années. Carrément, puis Bagnols c'est vraiment une capitale du reggae. Pour le coin là-bas, il y a eu toujours de longues dates des festivals de reggae sur Bagnols. Carrément, il y a eu le Jamaican Sunrise et le Jazz Sand aussi. Le Jazz Sand, qui était à Lisan juste avant, mais Bagnols ça a toujours accueilli les festivals de reggae. Il y a eu Grandation le week-end dernier. En Before du Zion, sur le terrain du Zion, carrément. Ouais, voilà. J'y étais pas, malheureusement. Moi non plus. Complètement. Ça avait l'air d'être une belle soirée. Et on appelle d'ailleurs Bagnols Kingston sur scène maintenant. Sur 16, pardon. Exact. Et oui, beaucoup d'événements, beaucoup de festivals, de soirées cet été pour écouter du reggae et du dub. Et merci pour cet agenda, Romain et Yanis. Avec plaisir. On va s'écouter une petite sortie aussi, t'en parlais, Maxime, Footprint System. Yes. Ils ont sorti un album là, le mois dernier qu'on retrouve sur le site ODG Prod. Et l'album, on va écouter le morceau Solstice. We'll be right back. Et à l'instant, on vient d'écouter Footprint System avec le morceau Solstice. Et on va passer à notre invité du jour. On reçoit Clément de l'association Travel Sound. Il va nous parler de son sound system, de son émission radio et de bien autre chose. Hey, salut Cédric, salut les gars. Salut Clément. Bah écoute, déjà c'est un plaisir de te recevoir cette émission. C'est la deuxième fois, toujours bien accueilli. T'étais déjà venu à Radio Campus l'année dernière, on n'avait pas encore lancé l'émission, mais. C'était les prémices un peu. Ta première dans Campus Hi-Fi, on va dire ça. C'est ça. Tu es président de l'association Travel Sound. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette association rapidement? Ouais, alors rapidement, l'asso, elle a officiellement 7 ans, c'est la 7e année. Et officieusement, on était un collectif d'amis, en fait, ça fait déjà une dizaine d'années, en fait, où on a voulu se fédérer ensemble pour organiser des événements musicaux. Et il y a une partie qui a une grosse affinité avec le reggae et le dub, et une autre partie du collectif qui est plus du milieu de la free party et de la techno. Mais un peu l'époque des débuts des années 2000, un peu du coup, au niveau de la musique, c'est moins hardcore, quoi. C'est plus techno, un peu happy pour faire la fête. C'est pas de la grosse techno trop bourrin. Et voilà, on a lié un peu nos énergies ensemble. Et on s'est formé en association pour pouvoir organiser un peu plus facilement et puis que ça soit indépendant en fait par rapport à nous, à chacun nos projets personnels, que ça ne nous ampute pas, par exemple quand on se plante sur une soirée, c'est l'asso qui est autonome financièrement, donc c'est un peu galère au début. Et voilà, donc l'asso, on a organisé depuis un festival qui est très orienté sur la musique du monde et reggae, qui s'appelle le Mashup The Valley. Très bon festival. On en parlera peut-être après tout à l'heure. Bien donc sûr, il y a eu 5 éditions. À côté de ça aussi, on a monté un sound system où on a fait le choix d'avoir un système qui était assez éclectique pour les musiques qu'on jouait, qui peut du dub à l'électro. Et aussi, ça nous arrive de sonoriser pour des concerts, et même d'en organiser des petits concerts live. Parce qu'on est plusieurs dans l'asso du coup à venir du milieu du spectacle, à être technicien. Donc c'est pratique, on sait dans quoi on se lance, mais ça n'a pas été simple au début parce qu'on est vraiment une bande de potes à la base vraiment, donc c'est fusionnel, donc des fois ça part, des fois c'est super bien et puis des fois on se prend la tête. Donc un peu l'asso, c'est ça. Il y a un site internet qu'on essaye de tenir à jour, mais c'est un peu galère parce qu'on fait un peu tout nous-mêmes. On reste quand même toujours dans le do it yourself, on essaie de tout faire un peu par nous-mêmes, et rester le maximum indépendant et garder un petit côté underground. Ça vient des deux milieux, du dub et de la techno, ce milieu de vouloir être indépendant au maximum. Bien sûr. Pour présenter les grandes lignes de l'asso. Carrément, ces deux milieux, d'ailleurs, on les retrouve un peu dans vos soirées que vous faites d'ailleurs ces derniers temps. Et puis même, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a de plus en plus de... D'ailleurs, il y a eu un article qui est sorti d'ailleurs là-dessus sur Musical et Cause, où il y a le dub, beaucoup de programmation maintenant, qui est une programmation dub et une programmation techno. Et cet été, il y a pas mal de festivals qui ont lié ces deux univers. Qui en fait, c'est un public qui prône plus ou moins les mêmes valeurs, peut-être pas dans le même état d'esprit, mais. Je suis carrément d'accord. Comme à l'époque, il y a eu le reggae et le punk, Il y a pas mal de concordance entre ces deux milieux et puis cette revendication. Et même en teuf, on voit de plus en plus de dubs qui tournent parce que au final, ces deux milieux, comme tu dis, qui se rapprochent énormément. La barrière est. Les sonos teufs ont quand même été inspirés des sonos jamaïcaines. Clairement, exactement. Du reggae et du dub. Pour la petite info, moi, j'ai commencé à jouer la première fois, c'était en free party, justement avec les copains qui maintenant sont dans l'association. On avait monté un collectif plutôt vraiment free et plutôt orienté sur les teufs. Et jouer le matin des sons plutôt dub. C'était moins stepper que... C'était plutôt UK stepper. C'était moins rough que maintenant. Mais ça a toujours pris. Et puis il y a ce côté-là de vouloir d'être underground, quoi. D'être dans son coin et d'avoir son... C'est aussi de là que vient le nom de l'asso Travel Sound. Ça vient d'un reportage, les World Traveler Adventures. Et c'est un peu... tout est un peu lié en fait. Carrément. Voilà les grandes lignes de l'association. Alors, ouais, vous, cette année, on vous a retrouvé pas mal à Sommières. C'est un peu votre fief maintenant. Ouais, bah en fait, c'est, on est un peu, on trouve les opportunités là où elles sont. Et du coup, j'ai aménagé sur Sommières et c'est avéré qu'il y a une salle qui est là-bas, qui est disponible. C'est un ancien lieu de création d'une compagnie de théâtre de rue à la base, les Malabar. Et en fait, ils ont une belle salle voilà, qui était disponible à la location. Donc, on a profité de cet endroit-là. Et à Sommières, il y a une bonne réception des soirées. Donc, voilà, on a fait 4 soirées, il me semble, 4-5 soirées. Ouais, vous avez en fait venir du beau monde. On a vu Natural High Dubs, par exemple. Ouais, exact, un ancien Baritone. Vous avez fait venir Jumping Lion, t'en parlais vite fait dans la chambre tout à l'heure. C'est vrai que vous les avez fait venir. Aspar, dernièrement. Aspar, ouais, dernièrement. Il y en aura d'autres, je sais pas si tu veux, on en parlera après, mais il va y avoir d'autres soirées, peut-être. On va décider tout ça à la rentrée, lors de notre réunion avec tous les membres de l'asso. Yes. Et après, y avait le festival Mashup de... Enfin, il y a toujours ce festival Mashup de Valais, bien qu'il n'ait pas eu lieu cette année, il n'est pas enterré pour autant. Non, c'est pas enterré. On a mis entre parenthèses, puisque cette année, pour revenir un peu sur l'asso, on est donc un collectif d'amis. Chacun, tout est bénévole. Et on a décidé de vraiment gérer ça en collégial et de pas léguer l'organisation ou l'asso à d'autres membres. On veut que ça reste ce noyau dur. Mais du coup, il faut s'adapter aux disponibilités de chacun. Donc c'est un peu dur parce que chacun grandit. Il y en a qui ont des enfants, d'autres des projets de travail, il y en a qui partent, qui déménagent, tout ça. Donc voilà, il y a eu ça déjà premièrement qui s'est posé cette année. Et aussi le fait qu'on n'ait pas eu le lieu, pour le lieu qu'on a eu pendant 2 ans à 40. Et aujourd'hui, c'est quand même très difficile de trouver des lieux, déjà des propriétaires qui acceptent d'organiser un festival chez eux. De là ensuite, trouver une mairie ou une collectivité locale qui nous dise « bon bah ok, on est d'accord, machin ». Après, il faut aller voir les gendarmes, les pompiers, et des fois jusqu'à la préfecture. Enfin, c'est souvent jusqu'à la préfecture. Donc voilà, pour tout ça, ce qu'on coordonne, on était un peu trop short niveau temps. Donc on a préféré faire une pause cette année par rapport à ça et pas faire l'organiser un peu trop à l'arrache et se prendre la tête et que ça soit pas bien, puisqu'on avait essayé chaque année de mettre un peu le niveau à chaque fois d'au-dessus. Ouais. On a commencé vraiment, on a commencé dans les Cévennes il y a 5 ans, dans un petit bled à Sainte-Croix-Vallée-Française. Et on n'était pas nombreux, je crois, on a dû être 100 personnes pour la première édition. Et jusqu'à l'année dernière, à 40, où c'était une super belle édition, une 5e édition. Il y a eu du beau monde, un public complet les 2 soirs, tout le monde était content, on a eu des bons retours. Donc on veut garder cette lancée-là. Donc pour l'instant, on va en décider, on en parlera à la rentrée justement dans nos réunions. Il y en a beaucoup qui espèrent le refaire, je pense que ça se fera. Ils sont pas seuls parce qu'ici, dans l'asso, on est tous partants pour le refaire. Après, il va falloir bien se coordonner. Une petite pause pour mieux revenir, hein. C'est voilà, pas des plus fois mal ça aussi, fait du bien aussi, carrément. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Non, c'est vrai que c'est un beau festival avec une programmation magnifique. Ouais. Puis aussi un festival qui a des valeurs. Je me souviens la dernière édition, justement, quand on entrait sur le site du festival, vous aviez mis un panneau explicatif déjà de tous les budgets, de comment ça fonctionnait derrière, d'être vachement transparent là-dessus. D'être transparent sur l'organisation, le financement, puis les valeurs, je pense que c'est des valeurs que beaucoup de gens partagent dans le milieu, on en revient dans ce milieu-là du dub et aussi du milieu de la free party un peu des travelers, c'est que on a envie de faire la fête, mais dans un bon état d'esprit, de faire attention aux uns aux autres, faire attention aussi à la nature. Du coup, on essaie de faire le tri sur les déchets, les toilettes sèches. Enfin, et c'est vrai que ça, cette démarche, c'est un truc qu'on a envie de garder et qui de plus en plus se fait maintenant dans beaucoup de festivals. Quand même, il y a cette démarche-là un peu écolo. J'ai pas envie de dire ça, mais responsable, quoi, d'être responsable de ce qu'on fait, d'être conscient, avec pas la dans la nourriture locale. Ouais, voilà. Aussi, c'est de privilégier que ça fasse profiter les gens autour, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. C'est ça. Et puis tout le monde en profite. Carrément. Et puis ça se ressent après. Ça crée une ambiance vraiment plus conviviale. On court pas là après l'argent. On espère que ça rentre dans les frais, mais on s'en fout de faire. C'est pour ça qu'on est resté à une petite jauge de 500 personnes par soir. Pour aussi garder ce côté familial, il y avait plein d'enfants aussi l'année dernière, c'était vraiment cool. Donc les prochaines années, on espère faire un peu plus de trucs pour les bambins, pour la future génération, donc des petits spectacles et tout. Et des mini-scoops. Pour les initier aux bonnes vibes. Ouais, mais faire des ateliers, peut-être pas des mini-scoops, parce que bon, il faut faire attention aux oreilles des enfants quand même. Mais ouais, des ateliers, ouais, de découverte, pourquoi pas, qui viennent mixer, qui viennent toucher un peu les pré-amplis, les sirènes. Puis ouais, des petits spectacles qui peuvent peut-être être liés à la culture, la musique, ouais. Ça, c'est envisageable. Alors sur un autre registre aussi, vous animez avec l'association Travelson. Ouais. Peut-être. En fait, au début, on était à deux avec Jay, et puis bon, il bosse pas mal et il bossait de nuit surtout, donc c'était un peu galère pour faire une émission de radio le soir quand tu bosses de nuit. Donc vous animez une émission radio Radio Sommière. Sur Radio Sommière, ouais, radio locale aussi, qui est associative. Et donc qui diffuse, on va dire 20 km, 30 km autour de Sommières. Je suis même pas sûr qu'à Montpellier on la capte. Je crois pas. Et donc c'est à la base une radio où c'est, les émissions sont faites et créées par les enfants. Et donc il y a plein de c'est en fait là-bas ils ont trop de la chance à l'école primaire, au collège. Ils ont des ateliers, en fait, ils viennent à la radio présenter des émissions, c'est quand même trop cool. Ouais, c'est trop cool. Et donc voilà, et c'est des amis qui tiennent un peu ce projet-là, et puis c'est aussi ouvert à tout le monde. Enfin, cette radio, elle appartient aux gens de Sommières et puis à ses auditeurs. Et du coup, on m'a proposé de venir faire une émission pour présenter un peu comme vous les actualités reggae qui sortaient, faire des petits focus sur des artistes ou quoi. Et en fait, on s'était fait inviter là-bas pour présenter le festival, justement. Et puis voilà, de là, on en est venu à faire une émission au début une fois par mois. Et cette année, là, on avait fait deux émissions par mois. Et voilà, ça reprendra à la rentrée. Là, ça s'était arrêté il y a 2 mois à peu près. On reprendra ça à la rentrée en septembre sur la radio, sur Radio Sommière. Yes. Et c'est le 102.9 là-bas. Ouais. Okay. Et les émissions sont diffusées le créneau ? Alors le créneau, cette année c'était le jeudi, alors c'est possible que la grille des programmes change. Donc on restera certainement sur le jeudi soir. Et après on met tout ça sur Mixcloud aussi pour écouter les podcasts. Bien sûr, ouais, c'est partagé sur les réseaux sociaux de l'association. Sur l'association, principe, ouais, voilà. Ah, on les loupe pas. Et sinon, du coup, pour le futur, vous avez votre réunion en septembre. Ouais, annuelle, du coup. Ouais, voilà, réunion de rentrée. Est-ce que tu as des petits trucs à teaser peut-être sur l'année prochaine Alors, du coup, là, on est en train de rechercher. En fait, on a voulu aussi un petit retour aux sources, vu qu'on avait un peu. Enfin, on a mis entre parenthèses l'organisation du mashup. On a été aussi pas mal connus dans la région pour avoir fait des soirées. J'en reviens souvent à ce truc là, mais des soirées en extérieur un peu liées au milieu de la free party, enfin on faisait un peu des free dub comme les copains des All Sound System aussi. All Sound System qui ont arrêté malheureusement pour le moment, mais on espère un grand moi personnellement j'espère un grand retour de ces copains là. Ouais, voilà, c'est des soirées donc un peu dans le même état d'esprit, sur un terrain où on demande juste une donation aux gens, et plutôt orienté reggae dub. Voilà, et on est en train de voir prospecter là-dessus pour avoir un terrain et faire ça avant l'automne. On est en train de voir aussi avec le parc d'Acrebranche à Sommières proposer une journée où les gens qui auraient fait de l'Acrebranche, il y aurait une sono. Et c'est au bord de la rivière du Vidourle, il y a des tyroliennes, machin, pour passer en tyrolienne au-dessus du centre système. C'est toujours meilleur vibe. Voilà. Toujours meilleur vibe quand on a du reggae. Et ouais, on a envie de faire un peu des trucs en journée aussi, familiaux, enfin, où vraiment. Les gens viennent pas que pour faire la fête. Enfin, on aime bien faire la fête beaucoup dans la Somme, mais on aime bien aussi quand les gens se rencontrent et échangent, quoi, que ce soit pas qu'un échange qui va se perdre dans les abysses de l'alcool. Des après-midi pétanque. Ouais, voilà, d'après pétanque, il y a eu ça au Sausin de Résistance, il y en a de plus plus. Ça... Ouais, ils ont fait un concours de. Le dub and pétanque, quoi. Voilà, et puis le gros du morceau, là, c'est le Festipop à la rentrée le 6 et 7 septembre. Bon, là-dessus, on est juste en partenariat, co-organisation. On s'est occupé du Dub Corner, de la programmation du Dub Corner. D'accord. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans l'agenda, on invite cette année Balbaché. Et qui viennent avec leur sono cette année. Donc on va faire un meeting le vendredi entre nous, nos deux centres systèmes. Il n'y aura pas de scène live le vendredi soir. La scène live sera que le samedi soir. Et il y aura Sins Emilia sur la scène live le samedi soir avec Philantre en première partie. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qu'on s'est occupé de cette organisation là. Il y aura aussi, on invite Pitch Up avec Lucas du Ragayus Posse qui sera là pour la baquer. Il y aura aussi Samar Enouka, aussi en chanteuse. Il y aura Lucky MC. Et il y aura certainement Oneman qui sera invité aussi sur notre session le vendredi, puisque cette année, le Festipop, pour ceux qui connaissent un peu, le Festipop, tous les deux ans, il porte un nouveau projet, soit humanitaire ou solidaire ou environnemental. Et là, cette année, c'est pour préserver, enfin, réintroduire des ruches d'abeilles dans Frontignan et faire de la prévention par rapport à la disparition des abeilles, qui sont un élément important de la chaîne alimentaire, voilà, qui pollinise 80% des fleurs et des plantes sur notre planète. Donc voilà, donc on a voulu inviter aussi Oneman qui a joué avec nous à la fête de la musique et qui est apiculteur, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'accord. Et qu'il a ses ruches, voilà, pour ceux qui apprennent aujourd'hui. Ça colle bien avec l'idée de l'assaut de cette année. Donc voilà, c'est ça le gros du truc à la rentrée. Puis le Festipop, c'est toujours de grosses sessions, je m'en souviens d'une avec OBF et Charlie P qui c'était il y a quelques années. C'est vrai que l'année dernière, on avait Dawa Hi-Fi qui était venu. L'année dernière, c'était Dawa Hi-Fi. L'année dernière, c'était une session, une édition que Sound System. Cette année, ils refont une scène. C'est encore une nouvelle formule. Les deux scènes ne joueront pas en même temps le samedi soir. Il y aura la scène live et après, il y aura le Sound System, sera alterné. D'accord, oui, un petit peu comme ce qui est au Zion Garden. Ouais, voilà, ou comme nous, on faisait au Mashup. C'est quand aussi. On a pas beaucoup de public, quand t'as 4000 personnes, tu peux scinder en deux ton public. Il y aura toujours du monde devant les deux scènes. Quand t'es entre 500 et 1000 personnes, c'est un peu dommage d'avoir à choisir et puis qu'il y ait dans une des deux scènes où il y a que 50 personnes et l'autre où il y a tout le reste. Donc au moins voilà, ce sera comme ça. Et cette année en plus pareil, les prix seront moins chers. Le vendredi je crois c'est 8€ et le samedi c'est 20 balles. Donc et il y aura un camping cette année. Ça nous intéresse parce que si vous voulez savoir où on a dormi l'an dernier. Ah bah après il y a la plage chaque année, il y a la plage pas loin, mais c'est un peu de galère pour eux pour organiser là-bas. Et ça faisait plusieurs années qu'ils luttaient pour avoir un camping et là ils vont avoir un camping pour les tentes. C'est une très bonne nouvelle. Donc du coup les gens pourront venir de plus loin aussi. Voilà, plus d'excuses pour ne pas se rendre. Il y aura le parking camion comme d'hab aussi. Et puis il y a la plage, franchement, même à pied, tu mets 20 minutes pour être dans l'eau, les pieds dans l'eau. Quoi. Voilà, c'est ça. Complètement, non, ça promet des bons moments. C'est un bon rendez-vous à chaque rentrée. Ouais, 6 et 7 septembre, si je ne me trompe pas. C'est le premier week-end de septembre à la rentrée. C'est ça. Pour se mettre en forme pour attaquer l'année. Bon, et sinon, tu sélectes aussi? Ouais, un peu, ça m'arrive, entre-temps, ouais. Quelquefois, à gauche à droite. Quelquefois, ouais. Puis j'ai chopé quelques scuds il y a pas longtemps, j'avais envie de faire une petite parenthèse, un petit big up à Simon, là, du Discopathe, qui a ouvert son shop, un disquaire en ville, c'est au Faubourg du Corot, à Montpellier. Il a une grosse sélection en reggae, musique du monde, électro aussi, techno, hip-hop. Non, on l'avait reçu sur Campus Montpellier. Mais après, n'y allez pas avec trop d'argent sur vous en poche, sinon vous allez claquer toute votre thune. C'est le piège. En plus, qui propose de graver des vinyles aussi. Tu peux vite partir. C'est clair. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un bar en plus avec de la petite bière locale, artisanale. C'est le piège. Il y a tout pour y rester. Tu viens pour passer 10 minutes, en fait, tu restes 3 heures. Voilà. Ça devient vite un QG là-bas. Ouais. Carrément. Bon lieu de rendez-vous en tout cas. Big up au Discopathe. Du coup, il y a pas mal de disques que j'ai ramenés ce soir que j'ai acheté là-bas. Génial. Et qu'on va jouer ce soir, non? Enfin, là, même bientôt. Maintenant. C'est déjà 22h40 bientôt. En fait. Et oui, il va être l'heure de passer à la session. En tout cas, merci d'avoir répondu Gars, à notre invitation. Et on a hâte d'écouter ces disques. En attendant, on va juste écouter une petite musique histoire de se mettre en place. Un morceau qui vient de sortir aussi, qu'on retrouve chez ODG, de Pablo Raster. C'est le premier morceau de son album et ça s'appelle Sound Deliverance. Et on écoute une autre tune avant de se mettre en place, c'est Woody Vibes, ça vient de sortir et ça s'appelle The Temples. Travel Sound en place dans 5 minutes. We'll be right back. Yes, on est toujours en direct dans Campus Sci-Fi sur Radio Campus Montpellier. Et maintenant, ça va être au tour de Travel Sound. Clem à la sélection, c'est quand tu veux. Thank you. a funeral. I don't wanna be no general to achieve only a burial. Lightning, you'll crash like thunder. Crash on there. Say you ride like lightning, you'll crash like thunder. Yeah, I said you know. Be like parasite, and parasite. Fly by day, pitch by night. All them do a fuss and fight. Pharisees and scribes, hey, wicked men. Them want to see I get burned. Them want to see me dead. No, I'm in live by next term. So I give thanks to Jah Jah, going out and in return. Keep my head above the water, keep my meds firm. Never tell no lie. I don't know, but all that I know, I don't know, but all that I know, them I take sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex. Take a sec, but we them I take sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex. Yes. hard works, hard works. Yaret Zedek from Montpellier Town. Strive, we are strive while they are struggle for less. Ready to cope with that stress. Still a past test. We keep doing this thing, not south, east and west. The time of miracle that's past, yes. It take real commitment, it take real graft. The race of life could I never solve, no. You must walk the walk, must talk the talk. Yes. On continue. Manasé, Skenga, Campus Hi-Fi, Travel Sound Hi-Fi on your transistor to mash up the session. Sin, sin, sin. Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Kenga, Fly, rock, why you feel like away? Get the fly. sound like this. Up in the hills or deep in the valley, I tell you some sound, sound crisp. Up in the hills or deep in the valley, you never hear a sound like this. Up in the hills or deep in the valley, I tell you some sound, sound crisp. Hey, I say we begin at this, and we no deal with no kind of it's. We're coming at the dance, don't take no risk. Come, come, come, listen to this, this. God, it's your sound, don't be fussed. I tell you, say we happy for enough. Don't come a dance all because we come for compare, rub it up now. Jimmy Rastafari, we pray every day, I say. So listen, it's your champion sound. Listen, it's your hip-bound sound. Chuck! God, it's your sound versatile. And it's your sound don't spoil. And it's your sound I want one away sound. And it's your sound I run out of town. Up in the hills or deep in the valley, you never hear a sound like this. Up in the hills or deep in the valley, I tell you some sound, sound crisp. Up in the hills or deep in the valley, you never hear a sound like this. Up in the hills or deep in the valley, I tell you some sound, sound crisp. Sound like this. Up in the hills or deep in the valley, I tell you some sound, sound crisp. Up in the hills or deep in the valley, you never hear a sound like this. Up in the hills or deep in the valley, I tell you some sound, sound crisp. Style, campus hi-fi, travels on hi-fi. Little Kirk, sur le rythme. Twisted faces and empty bellies, giving up that weight. the town. Mama walk out in the town. Night and day in the palace. I'm a traveler in a town, night walker in a Paris town. I'm a walker in a town, night riders in a Babylon. I'm a traveler in a town, night walker in a Paris town. I'm a walker in a town, night riders in a Babylon. This is the time. I got to move a decision. I watch my style. Me not bling bling, me not fashion. This is the time. I got to move a decision. Go for the vibe, go for the right. Me get ready for the action. Head full on my ears, sneakers on my feet. My pocket no trend ticket, just a little weed. Head full on my ears, skunking on the beat. I got no stress in the express when I'm smuggling. I'm a traveler in a town, night walker in a Paris town. I'm a walker in a town, night rider in a Babylon. I'm a traveler in a town, night walker in a Paris town. I'm a walker in a town, night rider in a Babylon. I walk on the street, let down the night. Goes, is midnight pass. I walk on the street, let down the night. I cross my name, people differ on that different star. I listen my son play, I wanna cross the policeman. We stay full and I wake up tonight, no trouble time. Listen my son play, I wanna cross a wicked man. Nothing can stop me, nothing can stop Rastafari. Let's say, I'm a traveler in a town, night walker in a Paris town. My style, me not bling bling, me not fashion. This is the time, I got to move a decision. Go for the vibe, go for the right, to get ready for the action. Headphone on my ears, sneakers on my feet. My pocket no trend ticket, just a little way there. Headphone on my ears, skunking on the beat. I got no stress in the express when I'm smuggling. I'm a traveler in a town, night walker in a Paris town. In the town, night and day in a Paris town, roof riders in a Babylon. I'm a traveler in a town, night walker in a Paris town. know, say enough ghetto youth out there today, brethren. What? You know, say why? Now the government now run nothing for them, brethren. You know, say the streets are empty. You know, say the pockets are empty. So the youths them hungry. You know, say the youth them are struggling. So them are start juggling. You know, I want to get caught in the game. Them I want to be gangsters. Tell me what they're fighting for. So tell me what they're fighting for. Want to be gangsters. Fighting without no war. Ba-ba-da-da-dun-dun-dun-dun. 2015, they ghetto getting hotter. Nobody can get a job, so them a turn drug shotter. Them a sell drugs to the people and I see what them matter. Them not talk about food when them got big maca. Them not talk about football when them go and take shotter. Them a bus shot in the streets and them a bus in the blocker. See me, say hard life, me not about that. Yes, me know about scraping from the bottom of the bottle. Me know how it feels to lose your mother and your brother. Well, still coming in now, say with the bass and fire. Say I'm on Charlie P, me never go and retire. Me have to stop the youth, they squeeze the guns and fire. One fit to them in the dance, where the vibes them higher. Now all around the world, say Charlie P on flyer. Call me the original rhythm rider. Say sweet Cali weed in a the Jalwa. You say yes, me take a draw. Higher. As a youth, me not have much, but me have me family's love. Some youth not even have that. Some youth not even know them dad. Some youth not even know them mother. Me tell you, you know it's hard. Some youth them go and join a gang and them a feel like big man. Get a youth around the world from Japan to Finland. Some youth have AK and some big machine guns. Some youth not even go and fi make it to the age of 21. Say, some youth not even make it to the age of 15. As a youth, I was told you I feel live your life clean. They always treat the people like you want to be treated. So I did, now I miss them mashing up on the scene. Them I want to be gangsters. Tell me what they fighting for. Lord, them I want to be gangsters. Fighting without no war. Ba ba da da dun dun dun dun. Yes, say when they walk in the ghetto, no, it's not dangerous. All of the ghetto people, them a go and show me love. They say all around the world, ghetto people stand up. Do not let no Babylon fi put we in some handcuff. We give them 16 tons of the pressure. Say hit them with the bass, watch them bottom lip quiver. The dippy dippy crack it, them a shake and a shiver. But you know they not as bad as the ones that deliver. Me say them, you know your life getting better. Say if you trust your brothers, you say if you trust your brother. Say duck plate me on it, that's a heavy like leather. You know, say Charlie P, me a delivery call better, better. A luta continua. A luta continua. Contra o quê? Contra a luta continua. and Babylon conquered. This is the great revolution. So many under confusion. This is the time of revelation. Come, let us unite as a complete nation. I say, so many falling in the streets, and all the West can do is tweet. So much innocent children crying. So much. Trust in Jah, who's always the Almighty One. message. Put that cross on your front door. Heron deliver your song. Put that cross on your front door. Moses delivered your message. Put that cross on your front door. Heron delivered your song. There shall be 10 plagues on the house of Egypt. 10 plagues, Janu. There shall be 10 plagues on the house of Egypt. 10 plagues. Oh yeah. St. John saw it in a vision over in that land, where the kings of kings was crowned and he ruled every land. Redemption day shall come, so their children thus be strong. It's time that we take heed to God the Father.

become tricky and alter your tactics. Yes, c'était Travel Sound, Clément à la sélection. Merci beaucoup. Et on termine du coup cette dernière émission de la saison sur du high tone. Et ça c'est beau. La saison 1. Exactement. Ce qui laisse présager une saison 2. Et oui, on se retrouve l'année prochaine. On sera là à partir du mois de septembre à la rentrée avec deux fois plus d'émissions. On va passer en bimensuel. Mais avant ça, j'aimerais quand même remercier tous les invités qu'on a pu recevoir dans cette émission. South Attack, URSS Sound System, Umbush Sound System, Obidub, Jael, Jaworks, Salvage Sound System et bien sûr Travel Sound pour cette dernière émission. Un gros big up aussi aux artistes qui nous ont reçus en interview, Tetra Hydroca, On Dubground et aussi Hyton. Donc c'est un plaisir de terminer cette émission sur le morceau Emergency d'Hyton. Et big up aussi aux chroniqueurs de Campus Sci-Fi qui ont été là tout le long de l'année. Big up à Ludo, même si t'étais pas là ce soir, à Yanis, à Romain, à toi Romain, et à Flo, notre nouvelle recrue. Voilà, on revient à partir de septembre, toujours plus en forme, avec toujours plus de dub et toujours plus motivé. Normalement, monsieur, je suis raciste, mais bon. et on va se quitter sur ces petites conneries que Tom nous balance depuis la régie. Bravo, Tom. C'est pas vraiment l'image du dub. Non. Allez, passez. On se retrouve l'année prochaine. Et on vous souhaite à tous un bon été, plein de festivals. Big up, et en septembre.